Depuis une quinzaine d'années, le groupe des historiens de Russie, de France, de Pologne, du Canada, de la Hongrie, cherche à comprendre sous des angles divers quels sont les liens, les corrélations, les affinités électives, si on préfère la terminologie de Max Weber, entre les singularités des traditions chrétiennes, occidentales et orientales, latines et orthodoxes, si l'on préfère, et les cultures de l'Est et de l'Ouest de l'Europe. Alors, le projet a été lancé il y a plus de 15 ans grâce au soutien de la part de l'Académie de sciences de la Russie et du côté français de la Maison des sciences de l'homme à Paris et du Centre de recherche en histoire moderne de l'Université Paris 1, où j'ai eu la chance de rencontrer, de croiser il y a une quinzaine d'années aussi, Benoît Pierre pour la première fois, et Nicole Lemaître, l'une des animatrices de ce centre, était présente hier dans notre salle. Alors c'est grâce à cette coopération entre l'Université Lomonosov, l'Académie de sciences, la MSH de Paris, CRHM de Paris 1 et des autres institutions françaises et pas françaises que le projet sur cette thématique comparative a été lancé. Mais bien entendu, la notion de la tradition chrétienne est fort large. Il y a une multitude des aspects particuliers. Notamment, ce sont les représentations, les pratiques symboliques, les pratiques tout court, si on préfère, on peut prendre aussi le mot des discours dans l'acception de Michel Foucault, concernant les rapports entre le confessionnel, l'ecclésial, le religieux et le séculier dans les cultures chrétiennes, en particulier dans le domaine du politique, de tout ce qui touche au pouvoir et à l'État, au Moyen-Âge et à l'époque moderne. Et alors, d'ici le premier point dans mon plan, une tentative de cerner la problématique comme le point très important. Alors, j'ai décidé de mettre tout ça d'abord sur l'écran et d'autre part de vous permettre de suivre ce que je vais prononcer maintenant. Alors, il y a le problème général. Où passe la frontière entre le séculier, temporel, svetskoye en russe, et le spirituel, religieux, ecclésial, tserkovne, confessionnel, dans la culture politique orthodoxe de la Russie ancienne, de la Drevnaya Rus, de la Russie de Moscou, dans la culture politique. Notamment, comment s'organisent les rapports entre le séculier et le spirituel dans les discours de la symphonie, de la symphonia, si on prend le terme grec, n'est-ce pas, avec un autre accent, de la symphonie de l'Église orthodoxe et de la monarchie à l'époque d'Ivan le Terrible, au milieu et dans la seconde moitié du XVIe siècle, au centre même de la Russie, on peut dire au cœur de la Russie, au Kremlin, où la cour d'Ivan le Terrible était installée. Le second volet de la même question, qu'est-ce qui en découlait pour les pratiques politiques de la cour des tsars? Et finalement, le troisième volet, ces discours et pratiques forgés par la tradition byzantine, qu'est-ce qu'ils nous permettent de voir en termes de la comparaison avec l'Occident latin comme expression de l'asymétrie entre la culture catholique latine et la culture orthodoxe dans le type même de l'interaction de l'Église et de l'État, du clergé et de la cour? S'agit-il en fin de compte d'une différence structurelle de deux manières de concevoir et de construire les rapports entre le séculier et le temporel, le svetskoye et mirskoye, c'est-à-dire le séculier, le temporel et le spirituel, dans le domaine du politique, n'est-ce pas? Alors, c'est la position du problème qui est important. Et avant de continuer, je passe à un tout court commentaire concernant la nouvelle situation historiographique. Il faut reconnaître que depuis la fin des années 80 en Russie et hors de la Russie, tout a changé dans le domaine des études sur le religieux. C'était dû, bien entendu, à la fin de l'époque communiste, ça. Et depuis, il y a tout un nombre des centres qui est apparu, tout un nombre des équipes et bien entendu une multitude des publications. Les publications, les recherches ne sont pas de même niveau quand même, il faut le reconnaître. Mais d'autre part, il y a une contribution énorme qui a été faite, surtout en Russie, mais aussi hors de la Russie, dans les pays occidentaux en général aussi, oui, dans le domaine des études sur les traditions orthodoxes dans le monde russe, dans le monde de l'Europe de l'Est, de russe dans le sens large, et aussi que dans la culture orthodoxe de la région balkanique, en général de la zone de l'influence des traditions byzantines. Notamment, l'état actuel de l'historiographie consacrée à la problématique des relations Église-État dans l'histoire de la Russie ancienne et moderne aussi que dans l'histoire des autres pays, des territoires qui appartenaient au cercle byzantin orthodoxe, cette situation se caractérise par le fait qu'il est de plus en plus évident que les catégories élaborées à partir de l'étude de l'expérience occidentale, latine, dans ce domaine, notamment dans le domaine des rapports entre le séculier et le religieux, le spirituel, ne rendent pas de façon adéquate les réalités auxquelles nous avons affaire, par exemple à Byzance ou dans la Russie de Moscou. L'ont particulièrement démontré les recherches de Gilbert Dagron, le chef, le maître, bon, le tsar de quelque sorte des byzantinisants français et mondiaux. Et lors les recherches de Gilbert Dagron sur le césaropapisme byzantin, je voudrais ajouter juste deux mots, Gilbert Dagron caractérise cette notion même de césaropapisme comme le mot assassin. Il dit que c'est le mot qui ne rend pas du tout l'essentiel dans les rapports entre l'Église et l'État dans l'expérience byzantine. Et d'autre part, il y a les recherches de Boris Andreevich Uspensky sur la perception du pouvoir des tsars, aussi que les autres recherches de lui et d'autres personnes sur la culture religieuse au carrefour entre le religieux et le politique en Russie moscovite. Alors, mon exposé se propose d'examiner certaines des questions qui relèvent de ce champ de recherche dans le contexte particulier de la problématique de notre colloque. Alors, je me pose la question suivante. Nos sources et les données qui sont accumulées dans la recherche, qu'est-ce qu'elles nous permettent de comprendre dans la façon de penser et de mettre en pratique, de pratiquer, si vous voulez, en Moscovie, à la cour d'Ivan le Terrible, les idées concernant les relations entre le pouvoir temporel et l'autorité religieuse, c'est-à-dire les relations dans le domaine auquel est appliquée en général le plus souvent la notion byzantine de la symphonia ou de la symphonie. Le thème de la spécificité byzantine orthodoxe de la culture politique moscovite est réduite ainsi à une seule question. Comment éventuellement les discours de symphonia, de symphonie s'expriment à travers la manière dont le clergé de la cour participe à la construction et au maintien des rapports entre l'Église et la monarchie. Autrement dit, la théorie byzantine de symphonia, au quel point a-t-elle été transférée en Russie et induite par le haut clergé russe, notamment par les confesseurs, le clergé de la cour au sens plus large, dans les normes et dans le vécu politico-religieux de l'autocratie à l'époque d'Ivan le Terrible. Et est-ce que d'autre part l'époque d'Ivan le Terrible est vraiment caractéristique et révélatrice du reste de l'histoire moscovite? Alors je traite cette question à travers certains données de nos sources. Les sources en principe sont beaucoup plus nombreuses que les sources pour étudier le césaropapisme byzantin. Mais l'ironie de notre historiographie d'aujourd'hui est qu'il y a, malgré la paucité des sources byzantines, il y a énormément d'études sur le monde politico-religieux byzantin, il y a beaucoup moins pour le monde moscovite, bien que pour l'époque de l'histoire moderne, l'époque, les circonstances moscovites sont beaucoup plus révélatrices que les circonstances byzantines. Alors, je vais le faire à travers l'étude d'un nombre des cas qui ne sont pas deux cas lorsqu'on les présente, n'est-ce pas? Mais c'est à travers ces cas très précis qu'on va voir qu'est-ce qui se passe dans le vécu, je souligne encore une fois, politico-religieux de la Moscovie. Alors le premier cas, marqué dans mon plan d'ailleurs, c'est le clergé de la cour du tsar devant une hérésie, le cas de Matvey Bashkin. Il y a deux dramatiques personnes ici. Il y a ce Matvey Bashkin qui est connu par très peu de gens et il y a Ivan le Terrible qui est connu par tous. Dès que vous commencez un cours de quelque part en Occident, vous demandez à quel nom est associée l'histoire de la Russie dans la perception des étudiants qui sont dans la salle. Le premier nom qui tombe, c'est bien entendu Ivan le Terrible. Ensuite, peut-être Pierre le Grand, ensuite peut-être Lénine, Staline. Mais bon, c'est Staline et Ivan le Terrible qui partagent la primauté quand même dans la perception de l'histoire politique russe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qui est Matvey Bashkin? C'est un noble qui vient d'une famille peu fortunée. Il est placé autour de Moscou, il reçoit de la terre. Il a fait une très belle carrière politique au milieu des années 50, vers la fin des années 40, au début des années 50 du 16e siècle. Et un jour, en printemps de 53, Matvey Bashkin, ce noble qui a fait une carrière, se présente à son confesseur Siméon, qui est confesseur au Kremlin, l'un des membres du clergé au Kremlin, du clergé à la cour, et il se mit à faire l'éloge des prêtres. Il arrive une autre fois et il demande que Siméon lui explique certaines questions soulevées par sa lecture, la lecture de Bachkin, de l'évangile aussi, qu'il soit enseigné comment mettre en pratique l'évangile. À son avis, à l'avis de ce noble russe, le clergé devait servir de modèle laïque et éduquer tous les croyants. Il arrive la troisième fois, après un certain temps, et demande à Siméon de venir cette fois chez lui, à sa maison, pour lui expliquer certains passages de l'évangile, où notamment il s'agit de ce que, comment le Christ enseigne l'amour du prochain. Selon Bachkin, cet appel du Christ contredit l'existence du servage en Russie, car le Christ déclare que tous sont frères, n'est-ce pas? Et se fondant sur sa lecture du Nouveau Testament, notre Bachkin affranchit d'abord ses serfs, et ensuite il leur donne en général la liberté de partir, n'est-ce pas? Il déclare à Siméon que les prêtres devaient visiter plus souvent leurs paroissiens et les instruire sur la façon de vivre. Alors il tient ces préceptes de l'évangile pour très importants. Il dit qu'ils tiennent et qu'il déduit tout ce qu'il demande à Siméon de sa lecture de la Bible, n'est-ce pas? Qu'est-ce que fait Siméon? Siméon va à son collègue qui est déjà le confesseur d'Ivan le Terrible, Sylvestre, archiprêtre de la collégiale d'Annonciation au Kremlin. C'est la collégiale, le temple, bon, l'église la plus importante de la Russie, n'est-ce pas? Il qualifie dans la conversation avec Sylvestre, au confesseur d'Ivan le Terrible, Bachkin de fils spirituel peu ordinaire qui posait des questions compliquées et embarrassantes. Mais en juin, c'est-à-dire encore quelques semaines passent, en juin 53, Bachkin de nouveau expédia son valet chez Siméon, et cette fois avec les actes des apôtres marqués par le cire sur les marges, n'est-ce pas, en demandant de lui expliquer ces éléments précis de l'enseignement de l'évangile, n'est-ce pas. De nouveau, elle pose des questions embarrassantes à Siméon. Le prêtre qualifie ces questions des questions dépravées. Il dit directement à Bachkin qu'il ne connaît pas comment répondre à ces questions, n'est-ce pas? Et cette fois-ci, il envoie notre Bachkin à Sylvestre. Sylvestre, de nouveau, c'est le confesseur devant le terrible. Alors, il dit à Sylvestre que bon, c'est un personnage compliqué, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'ils font ensuite les deux prêtres de Moscou? En principe, si on suit la logique occidentale, si vous voulez, ils doivent décider, ils doivent trancher. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais ils disent non, nous ne pouvons pas, il faut attendre que le tsar revienne. Et le tsar est à ce moment dans un pèlerinage vers le monastère Trinité Sincère, n'est-ce pas? Alors le tsar est à Moscou, on ne peut pas faire rien. Alors le tsar revient à Moscou, et c'est le tsar qui décide qu'est-ce qu'il faut faire, n'est-ce pas? On lui pose la question, il décide qu'il faut commencer l'instruction. Alors, c'est le tsar qui exige qu'il y ait un procès, alors, et même plus, c'est le tsar qui demande qu'on lui montre maintenant à lui, à tsar, les endroits dans l'évangile marqués par Matvey Bachkin. Alors, en fin de compte, Matvey Bachkin est arrêté, à toute vraisemblance, il est torturé, il est accusé d'être hérétique. Ce n'est pas notre propos de maintenant de voir quels sont les points des débats. Mais ce que je souligne, c'est le tsar qui finalement décide sur le procès, le tsar qui participe à l'instruction, et finalement c'est le tsar qui participe au concile qui va condamner notre pauvre noble, n'est-ce pas? Et le tsar Ivan le Terrible, je voudrais vous faire souvenir qu'il est très jeune à l'époque, il a 22 ans, n'est-ce pas? Alors comment expliquer cette situation? Peut-être il y a des parallèles sans doute, mais quand même, il y a quelque chose de très étrange dans cette situation qui paraît au premier abord assez banal. Pour le comprendre, je fais un autre pas, c'est une autre situation, un abbé de cour devant le tsar. Qui est ce abbé de cour? C'est un moine orthodoxe, on ne distingue pas entre les réguliers et les moines, on peut dire c'est le régulier, Artémi, qui était très important dans la vie intellectuelle de l'église russe de l'époque, et qui était pendant une certaine période, pendant 6 mois, l'abbé de la Trinité Saint-Serge, et qui était très étroitement lié pendant ce moment et dans les autres circonstances à la cour. Et nous avons, par exemple, parmi les autres sources, nous avons aussi une lettre qui est adressée par ce moine, par cet abbé, directement au tsar. Lorsque le tsar avait 21 ans, c'est juste 2 ans après, avant le procès de Bachkin. Et ici, il faut voir qu'est-ce qui est donné comme leçon par notre abbé Artémi à Ivan le Terrible. La question à laquelle il répond, c'est la question: comment le tsar doit lire l'écriture sainte et la nation est plus vague et plus importante à cet égard dans les textes russes. Comment doit-il lire et interpréter les écritures divines? Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit au tsar, il écrit que la vraie raison pour interpréter l'écriture sainte, c'est celle qui est confirmée par les saintes écritures. La raison qui contredit les saintes écritures est fausse. Le Seigneur ordonne de croire en lui de la manière dont l'écriture le prescrit. Nombreux étaient ceux qui ne croyaient pas comme l'écriture le demande, mais selon leur propre volonté, versés dans l'hérésie sans comprendre les paroles de la foi. Le Seigneur toujours dit la vérité par ses paroles. Tout ce qui est dit dans les paroles du Seigneur, dans les paroles de l'Évangile, de la Bible en général, c'est la vérité, n'est-ce pas? Il faut suivre ses commandements, renoncer à un verset ou suivre les préceptes qui sont absents dans l'Évangile. Ça signifie s'écarter de la foi et tomber dans l'orgueil. Dieu nous enseigne qu'il faut garder intacte la parole laissée par lui, sans retrancher ni ajouter quoi que ce soit. Mais ce qui est étonnant dans le texte, ce n'est pas quand même le texte isolé. Artémie propose aucune perspective de l'interprétation. Hein? Ici, cette notion de la raison spirituelle qui est présente là, qui d'ailleurs revient dans les profondeurs de la théologie apophatique byzantine, dans l'enseignement de Denis l'Areopagite sur les modes de connaissance, sur la théologie mystique. C'est appliqué au cas de sa correspondance avec Ivan le Terrible, et il dit directement au Ivan le Terrible, « Quant à toi, lorsque tu étudies l'Écriture, tu comprendras en quoi consiste la volonté de Dieu. » Fin de la citation. Ensuite, il fait éloge à Ivan le Terrible en disant, « On connaît très bien que dès ton enfance, tu t'es versé dans la lecture des Écritures saintes, que tu es très très bien éduqué, etc., que tu comprendras sans aucun doute tout ce qui est nécessaire. » Et en même temps, il faut que ce soit absolument conforme à la parole divine telle qu'elle était là, mais non pas dans l'interprétation de Artémie, mais là, dans les Écritures saintes, n'est-ce pas? Et de nouveau, il dit qu'il faut renoncer à l'ignorance, il faut approfondir la compréhension de la tradition et des Écritures saintes. Il dit à la fois, j'ai été envoyé un livre, je te demande que tu le lis, je ne vais pas donner les commentaires, à toute façon, c'était Basile le Grand, mais peu importe, n'est-ce pas? Et ensuite, donne-nous de retour ce livre au monastère Trinité Sainte. D'autre part, je te conseille, écrit-il le tsar, hein, que tu lises toi-même, que tu lises les commentaires de Saint Jean Chrysostome sur les évangiles, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que nous voyons? Le jeune tsar, qui a 21 ans à peine, est demandé par un abbé d'expliquer, d'interpréter, de comprendre l'Écriture sainte sans aucun magistère proposé dans ce cas, en particulier de la part du clergé. Alors, c'est l'une chose qui est étonnante. L'autre chose, c'est la notion même de cette raison spirituelle qui reste absolument vague et en même temps tout à fait fidèle au contenu des traditions byzantines. Je ne vais pas maintenant entrer dans cette matière théologique, mais c'est le cas où les matières théologiques sont absolument importantes, absolument centrales pour comprendre le vécu, non seulement religieux, mais aussi politique de quelque sorte de la Russie à l'époque, n'est-ce pas? Et il y a encore une troisième chose qui est importante, n'est-ce pas? Alors, c'est que on prétend que cette raison spirituelle est de nouveau Ivan le Terrible, le jeune, est privé de toute possibilité de s'appuyer sur quelqu'un qui peut lui aider à le comprendre, que cette raison spirituelle doit être déduite directement de la tradition et des Écritures saintes ou de l'Écriture sainte. Alors, nous, on est dans la situation où Ivan le Terrible était quand même très peiné. Hein, si on s'imagine un homme de 20 ans, un tsar à la fois, qui est élevé comme un tsar orthodoxe, il doit lui-même décider qu'est-ce que c'est le sens des Écritures. Alors, maintenant, je vais sursauter un peu les plans qui sont, les éléments qui sont là, parce que si vous prenez maintenant, et c'était pour moi, j'étais très heureux d'avoir l'invitation de la part de Benoît Pierre, parce que à cette époque, je travaille sur le texte qui concerne la conquête de Kazan, et notamment les rapports entre la Russie moscovite et le monde musulman, et notamment dans les textes qui semblent avoir rien à voir avec la théologie, avec notre sujet, c'est pas, c'est-à-dire les textes qui décrivent comment doit-on organiser l'administration dans le khanat de Kazan, c'est-à-dire après que la ville a été prise par l'armée russe au milieu des années 50. Qu'est-ce qu'on observe là-bas? On voit là-bas les instructions plus que nettes qui disent à Kazan et dans les autres endroits où maintenant la monarchie orthodoxe va être installée, il faut que l'archevêque local agisse en concert total et à 100% avec l'administration et qu'il se donne les conseils régulièrement. S'il y a des difficultés de la part de du voyevode, il faut qu'il s'adresse à l'archevêque. S'il y a des difficultés de la part de l'archevêque, il faut qu'il tranche les questions avec le voyevode. S'il y a des cas difficile judiciaire, il faut qu'on fasse ensemble. Sinon, il faut que c'est l'archevêque envoie quelqu'un pour demander l'opinion, non pas du gouvernement de Moscou, mais du gouvernement et du clergé de Moscou. Et si on le met dans le contexte de ce que comment la conquête est préparée, comment c'est organisé, comment c'est présenté d'une manière rhétorique, on voit comme quelque chose d'inévitable. Le tsar et le métropolite, le tsar et le clergé agissent ensemble en préparant l'expédition, en envoyant les troupes, en organisant l'administration locale, etc., etc. Si on ajoute à ça ce qui est beaucoup plus connu, à même époque, c'est le métropolite Macaire qui organise le couronnement de tsar. Le couronnement de tsar, un peu avant, en 47, alors c'est le sujet qui est plus connu que les autres, mais là-bas, dans les textes et dans les cérémonies, dans la pratique qui était appliquée au Kremlin, on voit d'une manière absolument nette qu'est-ce que c'est cette incarnation de la symphonie imaginée entre le pouvoir des tsars et le pouvoir de l'Église. Si on ajoute à ça qu'à cette époque, il y a le concile qui est de quelque sorte, bon, toute proportion gardée, semblable au concile de 30, n'est-ce pas? Il y a le concile qui doit décider comment fallait-il réorganiser la ville d'église. Qui préside le concile? C'est le tsar. Qui demande, pose les questions? C'est le tsar. Si on prend d'autres situations, je ne vais pas les énumérer, où on voit quand, dans les années 50, c'est presque bon, idéal dans la compréhension mutuelle entre le tsar et l'Église, on est vraiment étonné. Mais ensuite, on passe à un sujet qui est plus connu que les autres, c'est ce qui se passe dans les rapports entre Ivan le Terrible et son proche serviteur Andrei Kupski. Je rappelle l'essentiel de l'histoire. Andrei Kupski est le représentant d'un groupe très étroit des conseillers les plus proches de tsar, de 3-4 personnes au début des années 50. C'est lui qui organise la conquête de Kazan, c'est lui qui est vainqueur des Allemands pendant la première étape de la guerre de Livonie. Et ensuite, il y avait une défaite pendant la guerre de Livonie. Et d'autre part, Ivan le Terrible a montré déjà à cette époque son caractère très brutal et très agressif. Alors Kupski décide de s'enfuir. Il s'enfuit vers la Lituanie. Il est reçu à bras ouverts par le roi de la Pologne, de la Lituanie, Sigismond Auguste, n'est-ce pas? Il lui donne des serfs, les territoires. Même plus, il se met à la tête des unités militaires polonaises dans le combat contre les Moscovites. Alors, et en même temps, il écrit une lettre après une autre lettre à Ivan le Terrible. Ivan le Terrible répond. L'essentiel de ce que Kupski propose à Ivan le Terrible, il dit, mais qu'est-ce qui se passe dans nos rapports entre toi et notre noblesse? Nous sommes tous, dit-il, les chrétiens. Et tu as massacré beaucoup des gens qui sont forts dans l'Israël, n'est-ce pas? Dans la Russie, Israël, tu as massacré beaucoup de gens, n'est-ce pas? Tu n'as pas tenu les promesses, tu n'as pas fait ce que tu dois faire. Mais dès qu'on se demande, mais quels sont les critères de la justice pour Andrei Kupski, on voit très bien que pour lui, il n'y a aucune autre référence que la référence biblique, que la référence chrétienne. Il dit, il faut que tu souviennes, le tsar, qu'entre toi et moi, il y a le juge. Qui? Le juge, c'est le Christ, n'est-ce pas? Et bon, je ne veux pas citer des phrases très éloquentes de Kupski qui dit, est-ce que Tu me menaces de mort, dit-il. D'accord, je vais mourir. Mais qu'est-ce qui se passera après la mort? Après la mort, toi, tu vas mourir assis, on va se présenter ensemble devant l'autel de Jésus-Christ. Et c'est le Jésus-Christ qui va juger entre nous. Et c'est la vérité chrétienne qui va devenir le critère pour comprendre qui avait raison, qui n'est pas raison. Alors, l'essentiel dans cette situation, on a de nouveau le texte, ou un nombre de textes, un discours, où on ne comprend pas du tout, mais qu'est-ce que c'est les critères, qu'est-ce que c'est la logique, qu'est-ce que c'est la rationalité dans les rapports entre la noblesse et le pouvoir, n'est-ce pas? Et maintenant, on passe à ce qui est le plus essentiel. Ici, je voudrais vous inviter à lire attentivement le texte qui est reproduit sur l'écran. Il y a toute une série de textes qui est composée soit par Ivan le Terrible, soit dictée par Ivan le Terrible, qui ont été étudiés depuis longtemps déjà, et c'est des textes qui sont très compliqués, mais il reste toujours quelque chose qui échappe l'interprétation. Notamment, j'étais très heureux, grâce de nouveau à l'invitation, de me pencher de nouveau sur ces textes, et de, me semble-t-il, remarquer quelque chose de très important. Si on prend la logique, n'est-ce pas? Alors, Ivan le Terrible répond à Kupski, il dit, Toi, tu es homme chrétien, oui, et tu dois servir le souverain chrétien, n'est-ce pas? Et tu as l'audace de juger de choses qui se passent de nouveau, non pas entre toi, noble, et moi, le tsar, mais entre deux chrétiens, n'est-ce pas? Et dans ce qui se passe en Russie, il y a les choses qui concernent l'État et les choses qui concernent l'Église, n'est-ce pas? Moi-même, dit-il, je suis pêcheur comme tous les autres, j'ai des pêcheurs minimes, j'ai des pêcheurs d'autre part, des pêchés quand même très lourds parce que je suis tsar, ma responsabilité est plus difficile. Et je viens ici, il dit qu'il ne faut pas appuyer dans notre cas la logique des royaumes païens parce que nous sommes dans le royaume chrétien, n'est-ce pas? Et ensuite, par exemple, cette phrase. Mais pour ce qui est du sort des autocrates russes, ce sont eux qui, depuis le commencement des temps, ont pouvoir sur leur empire et non leur magna et boyard, n'est-ce pas? Et c'est ce que tu, dans ta haine, ne comprends pas, n'est-ce pas? Tu disais que c'était piété quand le pouvoir autocratique se trouvait entre les mains d'un prêtre, parce que l'un des conseillers, c'était exactement Sylvestre, on dit que c'est pas bien, et maintenant, Yvan le Terrible, c'est pas bien d'être autant influencé par le prêtre, n'est-ce pas? Et soumis à vos ordres impies. Tu juges impie, au contraire, que nous exercions seul notre pouvoir donné par Dieu et que nous ne souhaitions point tomber à la merci d'un prêtre de vos méfaits. Je voudrais vous faire voir au quel point le ton, le soubassement et le contenu chrétien est présent dans tout ce qui est écrit, n'est-ce pas? Et ensuite, ce qui apparaît, c'est le thème de l'orthodoxie. Bon, si vous prenez le corpus des textes d'Yvan le Terrible, vous serez frappé quand même, surtout si on part de la logique de la lecture des textes occidentaux, que tout est placé dans le contexte des références orthodoxes. Il ne s'agit pas ni de la justice, ni de raison d'État. Il s'agit de ce que, est-ce qu'on a, engendré, est-ce qu'on a porté atteinte à l'orthodoxie lorsqu'on a pratiqué la politique telle qu'elle était, n'est-ce pas? Alors, il dit, tes reproches contre moi que je suis pas orthodoxe, dans la matière, dans le demain, ils ne sont pas convaincants parce que je suis orthodoxe et toi, tu n'es pas orthodoxe. Et de nouveau, tout ça dans le contexte des débats sur le politique. Bon, j'ai cité ici quelques textes, un texte où Yvan le Terrible se déclare exactement comme orthodoxe. Et ensuite, le plus essentiel, quelle est l'opposition ensuite entre les thèses de Kursky et des autres opposants de Yvan le Terrible et lui-même? Il dit, il y a deux modes de vie. Le premier mode, c'est le mode qui est vraiment monastique, c'est le jeûne, comme elle le dit, n'est-ce pas? Et l'autre mode, c'est le mode communautaire, n'est-ce pas? Moi, dit-il, vous pouvez suivre ce texte, n'est-ce pas? Moi, je suis dans la vie communautaire, n'est-ce pas? Et je suis pas moine dans le sens le plus étroit possible, c'est-à-dire je ne suis pas ceux qui doivent se réconcilier avec un flap, lorsqu'on vous bat sur le joug. Je ne suis pas un oiseau qui ne sème et ne moissonne, etc. Je suis à la tête d'une communauté, n'est-ce pas? Alors, la communauté à la tête de laquelle je suis, c'est quelque chose qui n'est pas l'ermitage des moines, mais ici l'essentiel, n'est-ce pas? Il dit, le monde du jeûne, c'est opposé au monde communautaire. Le monde du jeûne, c'est le sacerdoce. Et le monde communautaire, la communauté, c'est la royauté. Mais si vous prenez ce texte, vous voyez très bien que ce texte dit que le monde de mon royaume, c'est le monde monastique pratiquement, mais dans le sens large, n'est-ce pas? C'est le monde de koinovia, n'est-ce pas? C'est un autre modèle de construire ce que c'est la vie de l'Église. Alors, bon, je vais ici non seulement raccourcir, mais simplifier jusqu'à un décret très risqué quand même. Je ne vais pas le mettre, bien entendu, dans la publication parce que c'est trop simple, n'est-ce pas? C'est excessif. Mais quand même, il faut reconnaître qu'ici, il s'agit de ce qu'il y a deux modèles de la vie étatique, de la vie politique. Les deux sont assimilés à la vie de l'Église, n'est-ce pas? Elle dit, je suis pas moine dans le sens que je ne suis pas un ermite, n'est-ce pas? Mais je suis de quelque sorte un prêtre à l'intérieur de ma communauté religieuse, et ma communauté religieuse, c'est rien que l'État, n'est-ce pas? Ici, vous allez lire le texte quand même, qui est très éloquent sur ce que comment dit-il que à moi, comme tête, chef d'une communauté, monastique entre guillemets, conviennent la terreur, les punitions, la répression et le châtiment suprême. Alors, je voudrais faire voir ici l'essentiel, n'est-ce pas? C'est pas la logique de la pensée séculière. c'est pas la logique de la pensée politique à proprement parler. Et ça veut dire que dans ce cas particulier, nous avons affaire à quelque chose de très étrange. Et si je peux passer déjà à les conclusions, le temps pressant, n'est-ce pas? La conclusion, c'est exactement, bon, juste deux mots sur le point 7, la destruction. Bon, je veux pas dire maintenant, vraiment rien sur ce, comment, qu'est-ce qui se passe dans les années 60. Hein. Bon, le plus souvent on dit, Ivan le Terrible est devenu fou, et ça parce que les atrocités qui étaient commises par l'armée privée de quelque sorte, qui était créée par Ivan le Terrible, qui ressemblait énormément à un ordre militaire monastique, alors les atrocités vraiment dépassent toute imagination, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Alors, et c'est à cet égard, à ce moment qu'il y a le métropolite de l'Église orthodoxe, le métropolite Philippe, qui s'oppose à Ivan le Terrible. Jusqu'à un certain moment, Philippe est toléré par Ivan le Terrible, bien qu'il y ait des clashs entre lui et Philippe dans les monastères. Ensuite, il convoque un concile qui dépose Philippe, et ensuite, Philippe est étouffé par l'un des serviteurs d'Ivan le Terrible dans sa cellule, dans un des monastères à Tuil, n'est-ce pas? Alors, mais qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici au moment que ce monde imaginé et construit de quelque sorte, le monde peut-être au monde de la symphonie mise en pratique, est détruit, n'est-ce pas? Et maintenant, il faut essayer de trouver la réponse à ces paradoxes, n'est-ce pas? Et ici, c'est le point 8, n'est-ce pas? Alors, je dis l'essentiel. Il me paraît que comprendre ce qui se passe avant l'opricina, et même pendant l'opricina, hors de ce contexte des théories normatives qui étaient importées de Byzance, les théories de la symphonie, il serait très difficile. Et d'autre part, c'est ce qu'on trouve dans la tradition byzantine. On trouve d'une part ce qu'on appelle « Reich eschatologie ». Excataloguer. C'est le phénomène qui est particulièrement bien décrit par Gerhard Patskalski, qui prenait part d'ailleurs à notre projet dans les années 90, qui a contribué beaucoup. Alors, l'essentiel de ce qu'il démontre que dans la pensée politique et religieuse de Byzance, c'est l'Empire, c'est l'État qui est conçu comme le royaume de Dieu. Et c'est l'État qui est conçu dans ce sens comme une Église, n'est-ce pas? Si vous prenez maintenant Gilbert Dagron, qui est connu beaucoup plus que les autres pour les Français, parce que c'est vraiment un très très grand byzantinisant, il nous démontre dans ce livre que de nouveau le mot césaropapisme doit être renvoyé, c'est le mot assassin, parce que dans les discours byzantins, on n'arrive pas à distinguer, non seulement à séparer, mais à distinguer ce que c'est l'Église et ce que c'est l'État, n'est-ce pas? Et l'une des conclusions absolument fondamentales, où, bon, il est très très prudent bien entendu, Gilbert Dagron, il a pris d'ailleurs part aussi à un certain colloque que nous avons organisé à Paris, bon, il dit que pour comprendre l'idée de l'empereur et de l'État à Byzance, il faut se mettre dans le contexte de l'ecclésiologie byzantine. Non pas dans le contexte de la pensée politique, mais et non pas dans le contexte de la pensée de Justinien et de la tradition romaine, mais dans le contexte de l'ecclésiologie. Et ici, comme exemple de tout ça, je vous donne un texte fameux que vous allez trouver là-bas, et ensuite dans la publication, s'il y aura une publication. C'est la lettre adressée par Patriarche Antoine au successeur de Dmitri Danskoï. Voici les Dmitri vers la fin du XIVe siècle. Et je vous invite de lire. Quel est le rôle? Et c'est vraiment l'expression succincte de ce que c'est l'essentiel de la théorie de la symphonie. Le rôle de l'empereur dans l'Église. Le Saint-Empereur tient une grande place dans l'Église. Car des origines, ce sont les empereurs qui ont constellé et fortifié la piété dans le monde habité. Ce sont les empereurs qui ont réuni les conciles œcuméniques, qui ont donné force légale au divin et sacré canon concernant les dogmes et la vie des chrétiens, en prescrivant qu'ils soient pieusement respectés et ont beaucoup lutté contre les hérésies, n'est-ce pas? Ensemble avec les synodes, les empereurs ont fixé par les décrets impériaux la hiérarchie des sièges épiscopaux, les ressorts des provinces, le découpage des diocèses. C'est pour toutes ces raisons qu'ils reçoivent un grand honneur et tiennent une grande place dans l'Église. La royauté et l'Église ont une grande unité et une grande communion, koinovia. Et je voudrais attirer l'attention, koinovia, c'est aussi le terme qui se trouve derrière le raisonnement d'Ivan le Terrible sur la vie communautaire, n'est-ce pas? Hein? Il n'est pas possible de les séparer l'une de l'autre, n'est-ce pas? On ne peut pas trouver une expression claire, nex plus ultra de ce que c'est la symphonie, n'est-ce pas? Et je me demande, dans ce texte, est-ce qu'on trouve la clé pour comprendre les discours politico-religieux moscovites à l'époque? Est-ce qu'on peut distinguer dans les discours de ce type, les discours normatifs d'ailleurs, c'est bien, oui, c'est vrai, hein, le spirituel et le séculier, n'est-ce pas? Est-ce que vraiment c'est le monde qui répond à notre habitude mentale de distinguer entre ce qui est spirituel et ce qui est temporel, parce que c'est finalement quelque chose qui est absolument fondamental, central pour parler de l'histoire de la pensée et des pratiques politiques et religieuses à la fois de l'Occident, n'est-ce pas, au Moyen-Âge. Alors, il y a toute une série des paradoxes, peut-être ce sont des faux paradoxes oui, qui sont là, mais je voudrais insister sur l'hypothèse, si vous voulez. Vraiment, nous avons affaire à une situation concrète où le séculier et les politiques ne sont pas à distinguer, n'est-ce pas? Je voudrais insister aussi à ce qu'il se sent, il paraît que ce sont des choses structurelles. Ce n'est pas quelque chose qui est fortuitaire. Et finalement, je voudrais finir par la chose qui n'est pas quand même, comment dire, je veux dire d'une manière rude, n'est pas accepté dans le milieu universitaire académique en Occident. Alors, c'est le cas. On voit très bien, pour comprendre quelque chose de très essentiel dans l'expérience occidentale, latine, n'est-ce pas, il faut qu'il y ait un critère qui est chrétien, mais qui n'est pas occidental, n'est-ce pas. Et c'est si on fait la comparaison avec ce croisement entre le politique et le religieux dans le cas d'une culture qui n'est pas latine, mais qui est chrétienne, on comprend de qu'est-ce que c'est les racines et qu'est-ce que c'est l'essentiel dans la spécificité latine, n'est-ce pas, dans la spécificité occidentale, n'est-ce pas, qu'est-ce que c'est cette exception occidentale, notamment dans le domaine de forger quoi, de forger notre langage, même le langage d'aujourd'hui, des rapports entre le religieux, le confessionnel, le temporel et le spirituel. Et on comprend très bien que dans le contexte des débats sur le post-sécularisme, sur les rapports entre le monde islamique et le monde européen, c'est la question qui devient d'une actualité vraiment brillante. Merci de votre attention.